and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présenté par Jérôme. Bonsoir à tous et bienvenue comme chaque semaine dans cette émission qui repousse les limites de vos transistors, cette capsule qui vous renvoie sur le dance floor. Bienvenue dans Music and the City. Au programme ce soir, un girl power en compagnie de somptueuses créatures. A commencer par Mademoiselle Lara Croft qui nous revient dans un tout nouveau film, le retour d'une reine de la pop australienne également, et une Bonnie qui a besoin d'un héros. Que de tubes à venir pour la prochaine demi-heure. Et on débute les festivités, mais pas des moindres, avec Mitchell Branch. La semaine passée, je vous ai promis le titre All You Wanted, tiré de l'album The Spirit Room, qui est sorti en 2001, rappelons-le. Du pop-rock pour se mettre en appétit parce que vous êtes sur Fadjet, c'est le début de la soirée, il est 19h30 et on est ensemble jusqu'à 20h bien évidemment. Alors bonne écoute à vous avec Mitchell Branch. h 30, 20h, Music and the City sur Fadjet. Le voyage sera la thématique de la soirée. Je vous invite à prendre vos maillots de bain, votre crème solaire et vos tongs. Direction le pays des kangourous pour découvrir deux jeunes chanteuses du nom des Véronicas. Alors non seulement Lisa et Jessica sont sœurs, mais en prime, sœurs jumelles. Si elles sont discrètes dans notre bon vieil hexagone, elles sont des superstars chez elles avec pas moins de 3 albums studio. Découverte par Chantal Kreviazouk, qui a notamment travaillé avec Avril Lavigne à ses débuts, les Véronicas ont surfé sur la vague pop-rock du début des années 2000 en proposant notamment des titres très engagés. Chanteuses, d'accord, mais aussi auteurs-compositeurs, puisqu'elles ont coécrit le tube All About Us des Tattoos. Alors vous l'aurez compris, mondialement active et peu connue chez nous, encore une fois. Alors on se rattrape tout de suite avec le titre I Can't Stay Away, issu de l'album Hook Me Up de 2007. Music and the City. Évadez-vous vers d'autres horizons musicaux sur Fadjet avec Jérôme. Comme c'est la pleine saison estivale là-bas, on va rester encore quelques minutes en Australie pour profiter du beau temps. Puisque c'est le retour de l'Australienne la plus célèbre des années 80, 90 et 2000. Oui, Kylie Minogue est en plein comeback avec un nouvel album à paraître et un premier single qui tourne déjà pas mal partout dans le monde. Si l'album s'intitulera Golden, on peut dire que des pépites d'or, bah, elle en a accumulé en 30 ans de carrière. Surtout pour son grand retour en 2001 avec l'album Fever qui renfermait le cultissime Can't Get You Out of My Head. Une chanson qui a permis de faire connaître l'artiste à toute une nouvelle génération et dont je fais partie d'ailleurs. Et pour la peine, je vous ai trouvé un petit remix comme on les aime. C'est l'heure de Kylie Minogue avec Can't Get Blue Monday Out of My Head, car oui, nous sommes lundi et je déclare cette journée du lundi le Blue Monday. Vague, soleil, océan bien chaud et Kylie Minogue. Music and the City, la musique des jeux vidéo sur Fadjet. L'archéologue la plus célèbre de tous les temps est de retour le mois prochain dans un nouveau film qui va ravir ses plus fervents admirateurs. Si depuis quelques années elle a abandonné ses fidèles pistolets Uzis, elle aborde fièrement le piolet et est devenue une virtuose du tir à l'arc. En 20 ans, Lara Croft a bien changé pour notre plus grand plaisir. C'est sous les traits d'Alicia Vikander que l'anglaise revient dans un film inspiré du jeu vidéo sorti en 2013. À la mort de son père, Lara tente de terminer les travaux de ce dernier. Elle devra affronter la Trinité, une organisation secrète, et se rendra sur une île au large du Japon, mais une île étrange, bien évidemment. Personnellement, je suis vraiment impatient de découvrir ce nouveau film, car mine de rien, le dernier avec Angelina Jolie est sorti il y a quand même 15 ans. Et pour les besoins de ce nouveau film, quoi de mieux que la chanson Survivor des Destiny Child? Mais comme on reboot le tout, ce sera le groupe allemand Zwei qui se chargera de cette nouvelle version qui, on l'avoue, est beaucoup plus proche de l'univers de Lara. Un titre à découvrir tout de suite dans Music and the City. Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. Notre dernier voyage du jour nous ramène dans les méandres du temps, là où l'on trouvait des crinières gonflantes et peroxydées. Souvenez-vous de Bonnie Tyler, une voix rauque et puissante venue tout droit des années 80. Si certains se souviennent de son duo mythique « Si demain » avec Karen Anton, n'oublions pas qu'elle a été une véritable machine à tubes dans les années VHS. A commencer par le titre « I need a hero », véritable hymne qui a traversé le temps et l'espace. Et c'est l'espace d'une chanson qu'on va chanter ensemble ce titre. Et ça, joli oui. Music and the City sur Fadjet. L'émission se termine doucement mais sûrement. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver, ça je vous le dis toutes les semaines, mais je continuerai à vous le redire, le podcast de l'émission sur la page Facebook Fadjet-Music and the City, mais également la rediffusion le samedi à 18h30 pour 3 fois plus de Music and the City, si elle est pas belle la vie. Je vous dis à la semaine prochaine, surtout écoutez de la musique, c'est très important, et à ciao ciao, bye bye.